Elle me bride, me muselle, me noie. Comment décrire les mots de la sincérité? Aucun message n'est. Pourtant la vérité fait mal, les mots, et je ne puis m'y prendre. Dans ton cœur, rien, rien ne te touche, toi. Je suis vaincu, et elle me noie. Elle me bannit, elle me brise, elle me muselle. Elle me bannit, me noie, me brise, elle me muselle. Thank you.